cas demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Célibataire jusqu'à demain. Prêt à rester sur terre. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux. Oshi sur RTL2 avec Tamara Reynière est actuellement en tournée. Oshi, elle passe par la Cigale de Paris le 18 décembre et l'Olympia le 14 mai. Il y a encore des places pour l'Olympia, vous réservez sur RTL2.fr. 8h52, et si on se faisait un petit top 3 de Jonathan O'Donnell? Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. 16h56, c'est le moment de retrouver Jonathan O'Donnell pour son top 3 traditionnel. Bonjour Jonathan. Bonjour, ne vous excitez pas parce que je ne vous ai pas donné vos copies. Je vous vois, c'est pas grave. Non mais tu sais, tout est travaillé, tout est produit. Et toi t'es là, tranquille, j'ai oublié de distribuer aux copains mais mon travail. Bien sûr que non, c'est l'improvisation comme, cette émission. Comme ça vous découvrez en live. Et c'est tout aussi bien avec cette info internet. Puisque peut-être vous ne le saviez pas, mais Google est né en septembre 98. Donc Google fête ses 20 ans ce mois-ci. Google est tout jeune. 20 ans Clico, c'est au chômage, on ne l'oublie pas. Tu te rappelles, Nikos, va chercher Nikos. Mais c'était une bonne idée, hein. Ouais, c'était une bonne idée. Bah, il bouffe des croquettes, on sait pas où, mais bon, c'est fini pour lui. Attends, je regarde si ça existe encore, vas-y, enchaîne. Bah oui, évidemment, ne m'écoute plus, tu as raison, Grégory. Un fait divers, 53 kilos de cannabis, 5,6 kilos d'héroïne et 1 kilo de cocaïne, les gendarmes démantèlent un important réseau de trafiquants de stupéfiants en Eure-et-Loire. Wow. Je vous avoue qu'au début, j'ai cru que c'était une recette de cuisine. Je me suis dit, ils vont un peu fort sur les doses, mais... Happy birthday. C'est costaud. Et enfin, réseaux sociaux, les deux fondateurs d'Instagram ont démissionné car ils ont envie de prendre du recul. Alors j'ai regardé la définition de prendre du recul dans le dictionnaire des gens riches. La définition, c'est ça: profiter grave de son oseille en buvant des cocktails aux Bahamas. Voilà,